Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à suivre le cours au fil de l'eau. Nous avons vu lors de notre dernier cours comment Walter Benjamin décrit un véritable changement d'époque à travers une analyse, une réflexion sur le changement technologique, matériel et par là sociaux, esthétiques, culturels de l'œuvre d'art. Dans les discours de Benjamin, l'œuvre d'art et ses évolutions fonctionnent comme une sorte de cas d'étude pour comprendre dans son ampleur globale ces moments d'irriement dans l'histoire de notre modernité, de notre contemporanéité, le moment où un certain procédé technique change, bouleverse même le rapport des gens à l'œuvre d'art. Ces procédés techniques n'est autre chose que la capacité de reproduire l'œuvre d'art. La technologie qui rend possible cette reproduction est la photographie. La diffusion que cette technologie a à une échelle mondiale, à l'échelle des millions et des millions de spectateurs, est rendue possible par le cinéma. Et donc la photographie, comme étant la technologie sous-jacente, le cinéma comme étant la forme, l'organisation, si vous voulez, de la socialisation d'un spectacle qui est produit pour des millions et des millions de spectateurs. Les deux constituent, dans cette analyse de Benjamin, l'exemple d'une véritable transformation anthropologique, culturelle. L'industrialisation de la culture consiste dans la paupérisation d'une valeur irréductible, ce que Benjamin appelle l'aura, la valeur de l'œuvre d'art, de l'original, lié à ces conditions de production dans un moment précis, dans un temps limité. À partir de cet original, toute reproduction s'inscrit dans une continuité, dans une tradition. Toute reproduction est une élaboration artistiquement digne parce que la reproduction, tout comme l'original, demande la participation de la main et de la créativité humaine. Cela jusque à la technique de la reproduction photographique et par là cinématographique, qui, quant à elle, est une reproduction autonome, indépendante par rapport à la main, par rapport à l'intervention, par rapport à la créativité de l'homme. La différence, donc, c'est que après des siècles, des siècles, des siècles de reproduction, pour ainsi dire, on pourrait dire manuelle, artisanale, qui ne gâchait pas la valeur de l'original, nous sommes arrivés à une technique, à une technologie qui permet une reproduction rapide, énorme de l'œuvre d'art, et cela est géré par la machine. Voilà, il y a une sorte de aliénation. Ce n'est plus l'homme qui produit, qui reproduit, c'est la machine qui les fait. L'industrialisation donc de l'œuvre d'art est par là l'industrialisation de la culture ne serait pas possible sans cette technologie de reproduction qui permet d'exposer une œuvre d'art face à des millions, à des millions, à des millions de spectateurs. Ces personnes deviennent donc spectateurs de quelque chose que dans le passé n'auraient pas pu voir ou de quelque chose que dans le passé, qui dans le passé demandait pour être vu en déplacement, comme par exemple pour aller voir un certain tableau dans un musée, et donc un certain effort, un choix conscient, un comportement finalisé. À partir de la reproduction photographique, les œuvres d'art, pensons aux œuvres d'art comme par exemple comme étant de tableaux, les œuvres d'art circulent sur n'importe quel support, jusqu'à la au gadget, jusqu'à la au merchandising, jusqu'au disons à la production de souvenirs pour de touristes qui commencent à ce moment-là à constituer la masse, le tourisme de masse tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Dans cette perspective, donc, la mobilisation des gens possible grâce à l'accélération de transports, grâce à une croissante démocratisation de ces déplacements et des voyages, ces phénomènes-là est tout à fait cohérent avec cette diffusion, cette transmission des œuvres d'art partout dans le monde. L'aura, alors, cette valeur culturelle liée à des rituels, pas que religieux, mais aussi laïques, cette valeur disparaît. Mais attention, avec la disparition de l'œuvre d'art ne disparaît pas. C'est plutôt que sa valeur change. La valeur de l'œuvre d'art n'est plus une valeur culturelle liée à la puissance, disons, symbolique, presque magique de l'œuvre d'art originale. Elle change, je disais, cette valeur, elle devient valeur de représentation. L'œuvre d'art est produite pour pouvoir être représentée face au plus grand nombre de gens. La différence fondamentale entre les techniques de reproduction avant la photographie et les techniques de reproduction photographique, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'œuvre d'art est produite pour pouvoir être reproduite. Cela signifie que la reproduction n'est pas l'après-coup de la production, mais sa condition de possibilité. On ne fait pas un film si on ne peut pas le diffuser dans 4000, 5000, 10000, 15000 salles différentes. Et, on ne produit pas un objet donné, un objet quelconque destiné au marché de souvenirs si on ne peut pas reproduire cet objet dans un nombre en réalité quasiment infini, progressivement infini, pourrons dire, de pièces. L'arithmétique, la quantité de la diffusion et donc de la production des œuvres d'art, cette quantité est la caractéristique fondamentale de ce qu'à partir de ces moments-là, on appellera industrialisation de la culture et donc aussi industrie culturelle. Le cinéma est alors la première industrie culturelle avec la technologie sous-jacente, c'est-à-dire la photographie. Continuons de lire cet ouvrage, toujours disons, dans la suite de ces pages, de ces fragments que j'ai pu scanner. Walter Benjamin écrit dans la page que vous avez dans la première diapositive de ce support, que pendant des siècles, un petit nombre d'écrivains s'est trouvé confronté à plusieurs milliers de lecteurs. Cette situation change avec l'extension de la presse. La presse crée un public qui n'existait pas auparavant, le public de lecteurs. Et en ce moment-là, un nombre croissant de lecteurs, écrit Benjamin, passe de façon d'abord occasionnelle et puis de façon toujours plus méthodique du côté des écrivains. Ces changements de statut qu'on observe en ce moment-là, c'est là parce que les journaux ouvrent des colonnes dédiées aux lecteurs, dédiées au courrier des lecteurs. Le lecteur est donc celui qui peut écrire sur son journal préféré. Ce ne serait que une lettre au directeur du journal, mais à partir de cette première ouverture, les journaux cessent d'être écrits seulement par les journalistes, les professionnels. Dans un journal, je peux lire aussi la parole d'un lecteur quelconque. En ce moment-là, donc, entre l'auteur et le public, écrit Benjamin, la différence commence petit à petit à s'effacer, à devenir, écrit-il, de moins en moins fondamentale. Et à tout moment, le lecteur est prêt à devenir écrivain. Vous voyez bien que la métamorphose qu'on décrit aujourd'hui, celle due aux réseaux sociaux, qui nous permettent de passer du modèle de la représentation de la société, société qui s'est laissée représenter par les journaux, par la télé, par les magazines, par les cinémas, au modèle de l'auto-représentation de la société qui s'est auto-représente à travers la mise en scène dans les réseaux sociaux auxquels tout un chacun peut avoir accès, cette métamorphose-là était déjà active au moment où Benjamin écrit et décrit ces changements. Celui d'un lecteur qui peut devenir écrivain. Et dans ce contexte, les progrès technologiques, la reproduction par procédé mécanique, écrit Aldous Huxley, que vous pouvez lire dans la note, ces progrès technologiques qui invitent les masses à se saisir d'une œuvre d'art comporte ce que Huxley définit, je suis en train de lire la note numéro 1, l'instruction universelle. Instruction universelle qui a créé un public énorme, qui sait lire, qui peut aussi observer l'œuvre d'art au sens du tableau, en ces moments-là, l'industrie culturelle naît comme étant une production et l'organisation de la diffusion des œuvres d'art pour un public qui auparavant n'aurait pas eu les instruments intellectuels pour comprendre l'œuvre dont il est question et qui maintenant peut le faire, au moins croit pouvoir le faire grâce aussi à l'instruction universelle. Donc l'accès à l'instruction de la plupart, au moins d'une partie toujours plus croissante de gens, cela aussi rend possible l'industrialisation de la culture. C'est donc un phénomène culturel et politique qui renforce les effets de l'industrialisation culturelle rendue possible grâce à la photographie et grâce à la photographie et grâce au cinéma. Or, dans la diapositive suivante, nous pouvons lire que la possibilité technique de reproduire l'œuvre d'art modifie l'attitude de la masse à l'égard de l'art. La masse à l'égard de l'art se comporte de façon différente. S'il s'agit de commenter un Picasso, la masse sera, écrit Benjamin, très rétrograde, alors que s'il s'agit de commenter Chaplin, elle aura une attitude progressiste. Le caractère d'un comportement progressiste tient ici à ce que les plaisirs du spectacle et de l'expérience s'associent de façon directe et intime à l'attitude de l'expert. Le spectateur de l'œuvre d'art contemporaine est, pour ainsi dire, un expert distrait et quelqu'un qui, grâce aux études menées aux écoles, croit pouvoir comprendre toute œuvre d'art et en même temps il est distrait parce que cette œuvre d'art se présente dans, disons, avec une facilité et disons avec une rapidité qui ne permet pas vraiment de s'arrêter sur une réflexion. Au cinéma, le public, écrit Benjamin, ne sépare pas la critique de la jouissance. L'élément décisif est ici que, plus que nulle part ailleurs, les réactions individuelles, dont l'ensemble constitue la réaction massive du public, prennent en compte, dès le départ, leur transformation imminente en phénomène de masse, et qu'au moment même où elles se manifestent, ces réactions se contrôlent mutuellement. On verra plus loin qu'à propos de la structure psychologique du public, nous pouvons comparer deux modèles très différents. Est-ce que la réaction de l'individu, du spectateur, est autonome par rapport au fait de faire, disons, d'être déjà dans le public? Quelle est la dynamique entre la réaction du public, donc d'un corps collectif, et la réaction de chaque spectateur? Est-ce que la réaction du public ne serait que la somme de plusieurs réactions individuelles ou l'effet de participer de ces corps collectifs ne changerait pas-t-il déjà la réaction individuel? Ce sont deux modèles que plus loin nous pourrons comparer sur la base des études qui ont été menées en ces moments-là. dans la diapositive suivante. Nous pouvons lire, voilà, ce qui caractérise le cinéma n'est pas seulement la manière dont l'homme se présente à l'appareil des prises de vue, c'est aussi la façon dont il se représente, grâce à cet appareil, le monde qui l'entoure. Et là, Benjamin touche à une question fondamentale dans notre cours et pour notre cours. Lorsque une technologie devient sociale, lorsqu'elle se diffuse dans le corps de la société, lorsqu'elle devient la technologie dominante à une époque donnée, cette technologie, en l'occurrence une technologie audiovisuelle, transforme la perception que les gens ont de la réalité. Les interfaces numériques, aujourd'hui, les interfaces que nous utilisons tous les jours, sont des appareils de perception qui nous font considérer, nous font percevoir nous-mêmes, les autres personnes, le temps et l'espace dans lequel se passent nos interactions d'une façon particulière. La manière dont je peux prendre une photo, la façon dont je peux prendre une photo aujourd'hui, les zooms que je peux faire sur cette image par la suite transforment la perception que j'ai des objets. Le cinéma, donc, fait en ce moment-là ce que la technologie numérique est en train de faire aujourd'hui, à savoir refaçonner la perception collective du réel. Et ici, Walter Benjamin, dans ces passages, évoque la contribution que la théorie freudienne, la théorie psychanalytique a donnée à notre manière de percevoir les événements ou les épisodes apparemment sans importance. Il y a 50 ans, écrit-il, on ne prêtait guère attention à lapsus échappé au cours d'une conversation. Que ce lapsus ouvrit d'un seul coup de profondes perspectives sur une conversation qui semblait se dérouler de la façon la plus superficielle, fut sans doute un cas exceptionnel. Et puis, à partir de cet ouvrage freudien, Psychopathologie de la vie quotidienne, les choses ont changé et après Freud, un lapsus devient un symptôme révélateur d'un discours, les discours qu'on essaye de cacher. De la même façon, écrit Benjamin, en élargissant le monde des objets auxquels nous prenons garde, dans l'ordre visuel et désormais également dans l'ordre auditif, le cinéma a eu pour conséquence un semblable approfondissement de la perception. La perception que j'ai du réel devient plus approfondie, plus minutieuse, plus scrupuleuse grâce à la technologie de la photographie d'abord et du cinéma par la suite. Dans la page qui suit, on peut lire grâce au gros plan, c'est l'espace qui s'élargit. Grâce au ralenti, c'est le mouvement qui prend de nouvelles dimensions. Le rôle de l'agrandissement n'est pas simplement de rendre plus clair ce que l'on voit de toute façon, seulement de façon moins nette, mais il fait apparaître des structures complètement nouvelles de la matière. De même, les ralentis ne mettent pas simplement en relief des formes, des mouvements que nous connaissions déjà, mais ils découvrent en elles d'autres formes parfaitement inconnues qui n'apparaissent nullement comme des ralentissements des mouvements rapides, mais comme des mouvements singulièrement glissants, aériens et surnaturels. À travers le cinéma, le regard que nous avons sur la réalité qui nous entoure, dit-il Benjamin, change. Parce que cette technologie nous permet de plonger dans l'image, dans l'espace et dans le temps qui structure notre réception d'une image donnée. De plonger dans cette image, dans l'espace et dans le temps, avec une finesse, une granularité et à une profondeur absolument inconcevable auparavant. Ces différences ne sont pas de nuances, ce sont plutôt l'ouverture à une expérience autre du monde et du réel. Nous connaissons, écrit Benjamin dans la page d'à côté, nous connaissons en gros les gestes que nous faisons pour saisir un briquet ou une cuillère, mais nous ignorons à peu près tout du jeu qui se déroule réellement entre l'amant et le métal. À plus forte raison des changements qu'introduit dans ces gestes la fluctuation de nos diverses humeurs. C'est dans ces domaines que pénètre la caméra, avec ses moyens auxiliaires, ses plongées, ses remontées, ses coupures et ses isolements, ses ralentissements et ses accélérations du mouvement, ses agrandissements et ses réductions. La caméra, donc la technologie du cinéma, nous ouvre, écrit Benjamin, à l'inconscient visuel. Si Freud a découvert l'inconscient pulsionnel, l'ensemble chaotique de désirs que je ne peux pas avouer parce qu'ils sont inconfortables et parfois même scandaleux pour la pudeur et pour ma société, le cinéma ouvre sur l'inconscient visuel, ce que je ne peux pas voir normalement, mais ce que je peux finalement saisir grâce au ralenti, la possibilité de décomposer les mouvements, de voir les phases qui constituent un mouvement que je ne peux pas vraiment observer en dehors de la caméra et en dehors de l'écran du cinéma. Le cinéma donc change la perception que nous avons du réel, introduit des profondeurs dans notre champ visuel qui n'existait pas auparavant. Le cinéma crée un public, rend possible la formation d'un public qu'on peut déjà qualifier d'international, les publics des gens qui ont pu avoir accès aussi à l'instruction universelle. Ces publics constituent un véritable nouveau sujet social, un nouvel acteur social. Le public est lui aussi à son tour un acteur qui joue un rôle économique déjà. C'est le public qui alimente l'économie des industries culturelles, les millions de gens qui achètent les journaux, les millions de gens qui vont voir un film et plus tard les millions de gens qui regarderont la télé et plus tard encore les milliards de gens connectés à Internet. En ce moment-là naît la masse. Vous voyez bien que le concept d'industrie évoque celui de masse. Walter Benjamin écrit « La quantité, en ce moment-là, devient qualité. La masse est une matrice d'où toute attitude habituelle à l'égard des œuvres d'art renaît aujourd'hui transformée. La masse a cru désintéressée, a généré un type d'intérêt bien différent. Lorsque l'individu fait partie d'une masse, d'une foule, si vous voulez, mais le mot masse a des acceptions plus pertinentes dans ces discours. Lorsque l'individu intègre une masse, il s'identifie à cette masse et contribue à créer un comportement qui est le comportement de la masse et pas simplement la somme, comme je disais tout à l'heure, la somme des comportements de plusieurs individus. La masse devient un corps social à part entière. Cette masse a été créée par les cinémas. On appelle cette masse le public. Le public. En ce moment-là, le public du cinéma fait l'objet de critiques impitoyables. Parmi ces critiques, Benjamin cite la critique de Duhamel. Selon Duhamel, le cinéma suscite chez les masses un intérêt qui est en réalité une sorte de frivolité, un intérêt insouciant, un intérêt désinvolte, un intérêt qui ne va pas avec la responsabilité et la maîtrise du spectateur de théâtre. Selon lui, les films, je lis, est un divertissement d'ilote, un passe-temps d'illettré, des créatures misérables. Le film serait un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n'aborde sérieusement aucun problème, n'allume aucune passion, n'éveille au fond du cœur aucune lumière, n'excite aucune espérance, sinon celle ridicule d'être un jour star à Los Angeles. Or, on peut très bien ne pas partager cet avis après plus d'un siècle de films et de cinéma qui nous ont aidés et qui nous aident à mieux comprendre l'histoire, à réfléchir sur l'histoire, à mieux comprendre la psychologie humaine, à apprécier l'esthétique d'une ville, mais dans ces discours, la dernière réflexion, celle de l'espérance ridicule d'être un jour star à Los Angeles, cette réflexion est tout à fait actuel. Les cinémas créent cette projection qui par la suite sera renforcée encore plus par la télé à travers l'utopie, disons, l'illusion d'un accès très très facile, l'accès d'un acteur qui rêve, disons, d'un spectateur qui rêve de devenir un jour, pourquoi pas, acteur, étant donné que c'est facile, étant donné que cela ne demande pas un effort cognitif et intellectuel particulier, je peux rêver d'être un acteur. Les masses aiment se distraire. Voilà, un caractère de cet acteur, de ce corps social nouveau, la masse, un caractère, une caractéristique, c'est l'envie de se distraire. C'est la recherche du divertissement. L'opposition entre distraction et recueillement peut encore se traduire de la façon suivante. Celui qui se recueille devant une œuvre d'art s'y abîme, il pénètre comme ces peintres chinois dont la légende raconte que, contemplant son tableau achevé, il disparut. Au contraire, la masse distraite recueille l'œuvre d'art en elle. C'est-à-dire que la masse absorbe, la masse consomme l'œuvre d'art, la masse utilise l'œuvre d'art. La masse exploite l'œuvre d'art, comme tout le monde fait, dit Walter Benjamin, avec l'architecture. On traverse des espaces architecturaux qui sont autant d'œuvres d'art, parce que conçues par des architectes, par des artistes, et on les fait avec une facilité, avec une désinvolture totale. L'homme, à ce moment-là, est l'homme distrait. L'homme distrait est au moyen de la distraction, on peut lire dans la diapositive suivante, au moyen de la distraction qu'il est à même de nous offrir, l'art établit à notre insu les degrés auxquels notre perception est capable de répondre à des tâches nouvelles. Et comme au demeurant, l'individu est tenté de se dérober à ses tâches, l'art s'attaquera à celles qui sont les plus difficiles et les plus importantes, toutes les fois qu'il pourra mobiliser les masses. La réception par la distraction, de plus en plus sensible aujourd'hui dans tous les domaines de l'art, est symptôme elle-même d'importantes mutations de la perception, à trouver dans le cinéma l'instrument qui se prête le mieux à son exercice. Le cinéma favorise un certain mode de réception. Benjamin appelle cette réception distraction. Le public des salles obscures est un examinateur, mais un examinateur distrait. On a dit un expert distrait. Or, pour mieux comprendre l'aspect psychologique de la réception filmique, je fais référence à l'ouvrage de Emmanuel Placero, L'art des foules, théorie de la réception filmique comme phénomène collectif en France entre 1908 et 1930. Placero cite deux études, deux différentes études sur la réception filmique. Première étude, qui date des années 20, selon cette étude, la vision à l'écran dans la salle noire des cinémas, produit un effet comparable à l'hypnose, une sorte d'hypnose collective dans laquelle les différences entre les spectateurs s'ébrouillent jusqu'à s'effacer. Les spectateurs n'existent plus. Il est complètement fusionné, il est dans un rapport tellement fusionnel avec les autres spectateurs qu'ils produisent, ils forment, ils créent toutes et tous ensemble ce qu'on appelle les publics. Et un public hypnotisé, un public qui fait l'expérience d'une hypnose collective. Une autre étude menée quelques décennies plus tard, commissionnée par l'Institut de filmologie, une étude sur l'influence de la projection collective d'un film par rapport à la vision solitaire, démontrait que la participation spectatorielle est plus intense. Et plus intense parce que les groupes comme situation cinématographique semblent agir en permettant une réverbération de la motivation personnelle dont l'intensité subit une augmentation. L'effet même de faire partie d'un public, donc change la réaction des spectateurs. Cela n'entraîne pas la passivité du spectateur. Le spectateur se maintient dans une attitude active face au spectacle cinématographique. Il existe toujours une réélaboration personnelle, mais cette élaboration personnelle est influencée par le fait d'être avec d'autres gens. Cette élaboration personnelle ne serait pas la même que si les spectateurs étaient à la maison. C'est la comparaison que nous pouvons faire aujourd'hui entre l'expérience du spectateur dans la salle du cinéma et l'expérience d'un spectateur qui a acheté un DVD ou qui regarde sur Netflix ou d'autres plateformes un film tout seul à la maison. L'intensité de la réaction face au film ne provoque pas la dissipation de l'individualité. Placero écrit « Les films nous relient et nous séparent. Les films parfois parviennent à nous faire ressentir simultanément les mêmes émotions. » Et là, nous faisons l'expérience d'une sorte de communion, et d'autres fois, nous pouvons considérer avec un certain étonnement que les réactions de peur, les rires ou les larmes de nos voisins, que cela, c'est tout ce que nous ne partageons pas. L'expérience donc de la communion et l'expérience de la différence. Celle des spectateurs doit être considérée comme une notion historique. La conception du spectateur des années 20, le spectateur du cinéma pendant la période muette, ne peut pas être la même conception du spectateur des années 60, étant donné que ces perceptions ne sont pas les mêmes. Et ce qui est important à souligner ici, c'est que la création de la masse, la création d'un public devient une expérience sociale, politique, collective, dont les effets étaient en réalité difficiles à prévoir. On ne savait pas ce que tout cela pourrait donner. On ne savait pas vers quel genre de société on était en train d'aller. Mais on savait, bien sûr, que rien ne pourrait être et que rien ne serait plus comme auparavant, parce que le cinéma change la perception que nous avons de notre corps, du corps d'autrui, de notre corps, du corps du spectateur que nous avons à côté de nous, de notre corps et du corps de l'acteur que nous voyons à l'écran, parce que le cinéma nous invite à une expérience collective, disons, nous invite au partage d'une émotion qui, elle aussi, en tant que phénomène collectif, est toujours façonnée par les outils et les appareils sociaux, technologiques qui produisent la voix, qui produisent l'image, qui produisent le son. On rentre donc dans l'époque de l'audiovisuel. La société, à ce moment-là, est la société à l'époque de l'audiovisuel, comme l'on dit aujourd'hui, lorsque toute chose est identifiée comme étant à l'époque du numérique. Nous pouvons donc considérer comme étant terminée notre lecture de l'ouvrage de Walter Benjamin, un ouvrage qu'on n'aura jamais lu assez, tellement elle est riche. Je l'avais déjà dit lors d'un cours précédent. Je ne vous demande pas de lire l'intégralité de l'ouvrage, et même pas l'intégralité des pages que j'ai scannées pour l'intégrer dans ces supports. Essayez de chercher, si vous voulez, les passages que j'ai pu lire et évoquer pendant ces cours et pendant les derniers cours. Essayez de noter les concepts fondamentaux sur lesquels on pourra bien sûr revenir encore d'autres fois pendant les cours à venir, étant donné que cette question, la question d'une perception collective possible grâce à une certaine technologie, la création d'un nouveau corps social, la masse, le public, le rapport à une quantité inouïe de reproduction d'œuvres d'art qui donc circulent dans la société et qui ne sont plus réservées à des espaces privés et privilégiés. Ces concepts-là sont parmi les concepts dont on a déjà parlé, dont on parlera encore, tout en faisant référence à la technologie numérique qui aujourd'hui comporte et suggère un questionnement pareil, un questionnement sur l'expérience du public, l'expérience du spectateur, la consommation plus ou moins distraite de la musique ou de l'image, et même la production et la consommation plus ou moins distraite du discours, de l'écriture du texte dans la surabondance de messages textos mails. Voilà. À mardi prochain. Merci.